Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, le marché, c'est un contrôleur de l'exo. R.I.G. 90.7. Le chercher plus, c'est 90.7. Ça fait des années que je vous accueille en disant ne cherchez plus. Et bien là, je l'ai dit dans le vide puisque j'avais pas branché le micro. Donc vous avez entendu le son se baisser. Moi qui n'ai rien prononcé apparemment. Alors que j'ai dit ne cherchez plus. Bon, c'est pas grave, hein, vous m'en voulez pas. J'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 369. L'album de la semaine, ça va être Love, sorti par les Beatles en 2006. On écoutera. Love, c'est pour le Cirque du Soleil. Je crois que c'est franco-canadien, je suis pas trop sûr. En tout cas, il y a franco dedans, je suis sûr. Le Cirque du Soleil. Et ils ont demandé à ce qu'on leur modifie certaines chansons des Beatles. On fasse une sorte de mix avec plusieurs chansons. Ça donnait quelque chose de plutôt sympa pour leur numéro. Il y aura par exemple Drive My Car, The World et What You're Doing, bien mélangé par le fils notamment de George Martin. Gail, il s'appelle. On dit Gail ou Gil? Je sais pas. Bref, le fils de George Martin. Il y aura également Here Comes the Sun avec un petit bout de Inner Light. Il y aura Back in the USSR, Come Together, Dear Prudence, Cry Baby Cry, ensemble, les trois. Lady Madonna. Et en fin d'émission, on écoutera l'excellentissime Being for the Benefit of Mr. Kite avec un morceau de I Want You, She's So Heavy et d'autres choses dedans. C'était tellement long que j'ai choisi de ne pas tout marquer sur ma feuille. Il y aura pour Paul McCartney Every Night sur l'album McCartney en 70. Sur John Lennon, ce sera sur l'album Imagine si vous préférez de John Lennon, il y aura Cripple Inside. Pour George Harrison, ce sera I Live For You, une chanson qui avait été rejetée de l'album All Things Must Pass, on va supposer faute de place, parce qu'elle est très très bonne, et dans la version de l'an 2000, gentiment, il nous l'a rajoutée, et c'est tant mieux, parce que ça aurait été dommage de passer à côté. Et pour Ringo Starr, ce sera Bokoops of Blues sur l'album éponyme, qui s'appelle donc Bokoops of Blues. Voilà, pour le reste, eh bien, je vous convie à aller sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, pour discuter avec nous. Et sur Twitter si vous le voulez avec le hashtag SagaFabFour. Voilà, on commence tout de suite avec Drive My Car, The World et What You're Doing. C'est les Beatles avec le Cirque du Soleil, l'album Love. Bonne soirée sur RIG. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to play out. Tonight I just wanna stay in and be with you. And be with you. Wasting my time. Every night I lay on a pillow, resting my mind. Every morning brings a new day, and every night that day is through. But tonight I just wanna stay in and be with you. And be with you. Every Night, Paul McCartney évidemment réservé cette chanson en principe pour les Beatles, et puis quand il s'est rendu compte que l'entreprise Beatles allait plutôt se barrer en sucette, eh bien il a décidé de le sortir sur son nom à lui, et il a eu raison, c'est une très très belle chanson. Je voudrais remercier Jean-Paul Lamarque parce qu'il a marqué quelque chose, j'ai pas fait exprès de faire ce jeu de mots, hein. Il a écrit quelque chose à propos de l'album Love, je vous le cite au moins le début, pour créer cet album, George et Giles Martin ont seulement utilisé les enregistrements originaux, à l'exception d'une nouvelle orchestration composée par George pour la chanson While My Guitar Gently Weeps. On parle de George Martin, bien sûr, hein, pas de George Harrison. Pour While My Guitar Gently Weeps, mais l'ont présenté d'une manière absolument entièrement différente. Ce que les gens vont entendre sur l'album est une nouvelle expérience, un moyen de revivre la vie musicale des Beatles entière dans un espace de temps très condensé, a dit Giles. Les producteurs utilisent ici, mais pas sur tous les titres, la technique dite du mash-up, c'est-à-dire de mêler plusieurs titres, plusieurs pistes de provenance diverses au sein de la même chanson. Et je veux vous dire que quand ces gars ont le talent qu'ils ont, bah c'est vachement bien fait. On écoutera donc plusieurs extraits de cet album fabuleux qui s'appelle Love, tout simplement. 1971 sur l'album Imagine, Cripple Inside, John Lennon sur RG. Thank you. 1970, l'album All Things Us Pass, la surprise, parce qu'on n'attendait pas George Harrison à ce point, avec des chansons aussi bonnes, bien que depuis, alors même avant, mais on va dire depuis 1968, depuis, tiens, While My Guitar Gently Weeps, par exemple, il donnait vraiment le meilleur de lui-même et on voyait très bien qu'il était au niveau de John et de Paul, au niveau de la composition, c'était vraiment très très bon. Et comme il l'a dit, c'est aussi une des causes de la séparation des Beatles. Il en avait marre, George, qu'on lui dise « Ouais, bon, écoute ta chanson, ouais, c'est sympa, on va la mettre de côté, ce sera pour un autre album. » Et on lui accordait une ou deux chansons par album. Lui, il avait envie d'en sortir plus que ça. Autrement dit, il aurait fallu peut-être que les Beatles sortent des doubles albums à chaque fois pour que tout le monde soit content. Peut-être que Ringo, lui, ça allait. Mais bon. Et bref, lorsqu'il a arrêté d'être constipé, on va dire, c'est lui-même qui l'a dit, George Harrison, il s'est libéré avec l'album All Things Must Pass, mais des diarrhées comme ça, on en redemande quand vous voulez. Allez, bon appétit tout le monde, voici I Live For You, George Harrison sur RG, suivi de Bocoups of Blues, ce sera Ringo Starr. To see me the world

de la semaine, Love, avec des mash-ups, comme il est dit, des chansons des Beatles très très bien réalisées. Saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Thank you.

Hervé, que c'est moi qui vous ai fait ce petit tour. Et quand j'ai programmé la chanson, je me suis dit, je la passe presque jamais, cette chanson-là. Donc, je vais ne rien dire et les laisser faire pour voir comment ça se passe. Bernard Montermal, a réagi le premier, Old Wave. Et Rook a marqué point d'interrogation, se demandant pourquoi il le traitait de vieille vague. Et oui, c'est exactement extrait de l'album Old Wave en 1983 de Ringo Starr. Moi qui vous dis à longueur d'année que Ringo Starr a été bon jusqu'en 74, entre 75 et 81, puisqu'il a ressorti un album en 81, c'est de moins en moins bon, c'est de plus en plus difficile de trouver des bonnes chansons, même si on peut en trouver. Et puis à partir de 81, l'album Stop and Smell the Roses, il recommence à devenir bon, jusqu'à être vraiment très très bon et à se bonifier merveilleusement. Maintenant, là, maintenant, c'est vraiment très très bien. Et là, cet album date de 1983, avec cet excellent titre, In My Car. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On ferme et on repasse à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Love des Beatles en 2006. Et ce titre que je vous propose, Back in the USSR, surérigé dans la saga des Fab Four. In the USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. In the USSR. In the USSR. RIG 90.7, la radio des Beatles, vous me permettez, puisque ça parle d'avion, d'envoyer le bonjour à mes collègues de boulot à l'aéroport de Bordeaux. Voilà, c'est fait. Je pense qu'il y en a certains qui sont à l'écoute, et certaines aussi, j'espère. Donc, je leur envoie le bonjour, et eux, ils m'écoutent sur 90.7, probablement. Alors que vous, tout le reste du monde, vous pouvez également nous écouter, et même sur Bordeaux, si vous le voulez, nous écouter sur www.rigfm.fr. Et il y a un groupe qui est très actif, c'est le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. Et si vous allez consulter La Saga des Fab Four, le groupe sur Facebook, eh bien, de temps en temps, je tiens compte de ce que vous dites. Quand vous dites, par exemple, « Oh, Once Upon a Long Ago, il y a drôlement de temps que je ne l'ai pas entendu. » Eh bien, il suffit de demander. McCartney sur RIG. Picking up scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key, what are those tunes gotta do with me? Tell me, darling. que cette chanson, Lay's Head, a été rejetée de l'album Somewhere in England en 1981, sous prétexte que l'album n'était pas assez dansant, pas assez dans le vent, donc il fallait qu'il retravaille sa copie, qu'il sorte les chansons, on va dire, avec des guillemets molles, et qu'il en rajoute quelque peu. Eh bien, il a gardé cette chanson-là dans son tiroir pour la ressortir en 1987 en face B, on parlait de George Harrison au fait, hein, en face B du fantastique It Got My Mind Set On You. Et avec ce superbe titre, mais absolument superbe titre en face B, Lay's Head, ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment dommage qu'on ignore cette chanson-là. Elle est très, très, très belle. On revient en 1973, si vous le voulez bien. Je vous rappelle que vous n'avez pas le choix, parce que c'est moi qui suis derrière les manettes. Voici, extrait de l'album Mind Games, Monsieur John Lennon. I know, je sais, je sais. Nous sommes en 1973 sur l'album Mind Games, avec un picking à la guitare qui rappelle les Beatles. I Know est l'une des meilleures ballades de cet album, même si pour les paroles, John enfonce le clou avec un thème qui commence à devenir familier. Une fois de plus, il jure son amour à Yoko, tout en battant sa coulpe parce qu'il est indigne d'elle. Mais il semble que cela n'ait pas suffi.

together. Beau comme ça. Hein. Tiens, je voulais vous signaler parce que j'avais vu un reportage sur YouTube, je crois, de batteurs professionnels qui rendent hommage à Ringo Starr et qui disent Ringo Starr, il est vraiment excellent à la batterie. Et on lui demande par exemple, mais c'est quoi, comment, en quoi il est excellent? Il dit, bah tiens, voilà, par exemple, cette chanson, Come Together, voilà comment on peut la battre. Et puis il se lance dans un truc qui fait beaucoup de bruit et on entendait en fond la musique de Come Together, la chanson Come Together. Et il arrête. Il revient à zéro et dit, et voilà comment Ringo l'a joué. Donc, comme vous l'avez entendu. Et il dit, ça, c'est exactement ce qu'il faut à la chanson pour la mettre en avant sans en faire trop, sans en faire pas assez. C'est juste le tempo qu'il faut, c'est parfait. Et c'est ça qu'il ajoutait aussi aux chansons des Beatles, un tempo irréprochable. On disait de lui, et on le dit toujours, que c'est un métronome. Il ne bouge pas d'un cil, quel que soit le temps que vous faites durer la chanson. Et il apporte un plus avec sa façon bien particulière de battre la musique. Ce n'est pas un technicien extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Mais par contre, dans ce qu'il fait, il est bon, il est très bon. Voici la cover. La cover, c'est une chanson que John, Paul, Ringo, George ont chanté, que ce soit eux les interprètes originaux ou pas, c'est-à-dire même s'ils ont repris une cover de leur père comme Little Richard par exemple, eh bien c'est une chanson chantée par les quatre Beatles ou ex-Beatles, mais chantée par quelqu'un de connu ou pas, voilà où je voulais en venir. Eh bien là, il y a du monde, et il y a du monde connu. Jeff Lynne, Tom Petty, Danny Harrison et d'autres qui reprenaient pour le Rock and Roll Hall of Fame en 2004, la chanson While My Guitar Gently Weeps. Il me semble qu'il y a Prince au solo et ça apporte aussi un plus à la chanson. Guitar Gently Weeps. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Yeah.

pas si vous avez plus de 40 ans, que vous ne connaissez pas cette chanson-là, parce que en 78, ça passait sur la radio, je m'en souviens très bien, j'avais 14 ans à l'époque, et j'adorais With a Little Luck. Et bien, des années plus tard, j'aime toujours With a Little Luck, cette chanson dans laquelle Paul McCartney essayait pour la première fois sans doute de mettre les synthés en avant. Et c'est un succès, ça marche très très bien. C'est sur l'album London Town, sorti en 1978, je l'ai dit. Il y a 40 ans déjà, mon Dieu que ça passe vite. C'est terrible. Il y a Pascal Dupont qui nous écoute depuis son camion autour de Bordeaux, sur 90.7. Il envoie le bonjour à tous ceux qui sont habituellement sur Facebook. Eh bien, sache Pascal que tous ceux qui sont sur Facebook te renvoient leur bonjour. Ils sont contents que tu leur fasses un petit coucou. C'est ça aussi la radio. On peut mettre les gens en présence les uns des autres grâce à l'antenne, grâce aux Beatles. Merci les Beatles. Et voici ce bon vieux Ringo Starr en 1992 sur l'album Time Takes Time. I Don't Believe You. Vous ferez bien pourtant de me croire. One more chance, and all I want from you is true. I don't believe you. I've been lied to. Forget about your credit cards, all your fancy clothes. Forget about my rings and things, and the powder for your nose. It wouldn't take that much from you. You won't see my face no more if you don't stop telling lies. I don't believe you. I've been lied to. I don't believe you. I've been lied to. I love you, girl, that much is true. The truth is staring back at you, but you always break. Right. It seems so happy when we fight, so I won't be coming home tonight, no. You do me wrong, I'll be kissing you goodbye. I don't believe you, 'cause I've been lied to. I don't believe you, 'cause I've been lied to. They lie. Let's go. Back, back, back, back, back. Yeah, yeah, yeah, yeah. You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right.

Eric de Madonna dans une version modifiée par le fils de George Martin et lui-même George Martin, et pour l'album Love sorti en 2006. Je vais vous proposer une chanson qui va faire très plaisir lorsqu'elle écoutera en podcast, ce qui n'est pas présente ce soir, la très belle Julie Harrison. Suite l'un de l'autre, Yvonne et World Spout sur RIG. Thank you.

l'album Love sur RIG. Sur les régies, l'émission est presque terminée. Encore trois petits titres. On commence par Just Like Starting Over. Il y aura You et un dernier titre. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Like people are falling in. plutôt dans les plaies, mais il avait juste 40 ans, il se sentait bien, il avait l'impression qu'il avait la vie devant lui, et hélas, ce ne sera pas le cas. RIG 90.7, on finit en apothéose en montant le son jusqu'à l'arrivée de Johnny de AZ et d'Eric. Allez, vous êtes prêts à monter le son pour la dernière chanson? Bien entendu, c'est Ringo Starr et c'est Eye to Eye, extrait de l'album Ringo-Rama. On met à fond la caisse. So long ago. Well, nothing's changed, and if you don't believe me, look out your window. I wonder why we gotta try to see eye to eye to eye. What's mine is yours, what's yours is mine. When we see eye to eye to faster. Je lui dis, Eric, c'est toi le meilleur. Dans quelques instants, pour Johnny de A à Z. À très très bientôt. Écoutez, bisous les filles, poignée de mon garçon, et voilà. Salut, ciao.